إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، On continue donc cette série de cours dans lesquels nous nous rappelons de certaines provisions utiles à l'adorateur. Comme vous le savez, il fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim, qui est souvent traduit par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ces deux noms nous indiquent que la miséricorde fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, c'est un des noms qui sont réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut donc pas être donné à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et il signifie qu'Allah est celui qui se caractérise par une vaste miséricorde, une miséricorde immense. Tandis que Ar-Rahim, il a un sens particulier, car il indique une miséricorde qui est spécifique aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » Et il est miséricordieux envers qui? Envers les croyants. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, elle est vaste, elle est immense. Et elle atteint qui il veut parmi ses serviteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَبُونَ Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est telle qu'il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère pour son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa miséricorde qu'il nous a créés. Et c'est aussi par sa miséricorde qu'il nous accorde notre subsistance, qu'il nous protège, qu'il nous nourrit, qu'il nous abreuve et nous vêtit. Et c'est aussi par sa miséricorde qu'il fait descendre la pluie, qu'il fait pousser les plantes, et ainsi de suite. Et de la même manière, c'est par sa miséricorde qu'il nous a guidés à l'islam, qu'il nous a guidés à la foi, qu'il nous a guidés à la sunna, à la voie de la droiture, ainsi qu'à l'accomplissement des œuvres pieuses. Tout ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, comme on l'a dit, une miséricorde immense. Et par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer ses serviteurs monothéistes au paradis, c'est-à-dire ceux qui lui vouent un culte exclusif, ceux qui accomplissent des œuvres pieuses, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a promis le paradis. Et par sa miséricorde, il les sauvera du feu de l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous compter parmi ceux qui seront sauvés du feu de l'enfer et qui entreront au paradis. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on vient de mentionner étant la conséquence de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc nécessaire et utile à l'adorateur de savoir quels sont les moyens qui nous permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah, elle s'obtient par de nombreux moyens. Toutefois, on va mentionner ici quelques-uns de ces moyens qui font partie des moyens les plus importants. Parmi les moyens te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah, il y a la bienfaisance, c'est-à-dire la bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bienfaisance envers les gens. La bienfaisance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith d'Ibril alayhi salam, que l'on a déjà mentionné dans des cours précédents, dans lequel il l'a interrogé au sujet de l'ihsan, au sujet de la bienfaisance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Donc la bienfaisance dans l'adoration, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le fait que tu accomplisses tes adorations de la manière la plus parfaite, en accomplissant chacune de leurs conditions, de leurs piliers, de leurs obligations, en étant conscient tout au long que tu accomplis cette adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'il sait ce que tu dis, qu'il sait ce que tu penses, qu'il sait ce que tu fais au moment où tu accomplis cette adoration. Donc tu te dois de l'accomplir de la meilleure manière, afin d'en obtenir la meilleure des rétributions. On a déjà détaillé ce sujet lors de l'assise sur les conseils pour réussir la prière. Donc pour plus de détails, vous pouvez revenir à secours, inshallah ta'ala, pour ceux qui n'étaient pas présents. Et entre aussi dans la bienfaisance, dans son sens général, le fait d'être bienfaisant envers les gens, chacun selon ses capacités. Tu es bienfaisant par tes paroles, par tes actes, par tes biens, en dépensant tes biens pour les gens, et ainsi de suite. Donc le fait d'être bienfaisant envers les gens, c'est que tu leur prodigues le bien, si tu en as les capacités, et si tu n'en as pas les capacités, alors au moins, tu les préserves de ton mal. Ceci fait partie de la bienfaisance. Car il y a des personnes, malheureusement, ni ils sont bénéfiques pour les autres, ni ils sont utiles en les aidant par leurs actes ou par leurs biens, et en plus de cela, ils leur nuisent par leurs paroles, leurs agissements, et ainsi de suite. Donc entre dans la bienfaisance le fait que tu prodigues le bien aux autres, mais également que tu les préserves de ton mal. Et la moindre des choses pour être bienfaisant est que tu rencontres tes frères et sœurs avec un visage souriant. Ceci fait partie de la bienfaisance. Aujourd'hui, il y a des gens, tu les vois, ils ont toujours un visage aigri, comme s'ils étaient toujours tristes et malheureux. Ils ne sourient pas à leurs frères. Pire encore, ils ne sourient pas aux membres de leur famille. Ses parents, ses enfants, son épouse ou son époux en ce qui concerne la femme, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la bienfaisance. Donc le serviteur, il se doit d'être bienfaisant envers les gens de manière générale, et en plus particulier envers ses proches, envers sa famille. Que tu prodigues des efforts pour être bon envers eux, et au minimum que tu les préserves de ton mal. Donc on a dit que pour obtenir la miséricorde d'Allah, il faut être bienfaisant. Bienfaisant dans l'adoration d'Allah, et bienfaisant envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Inna rahmatallahi qareebum minal muhsinin. » La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc tu vois à travers ce verset que la bienfaisance est un des moyens te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens également, il y a le fait que tu fasses preuve de piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait même partie des causes et des moyens les plus importants qui te permettront d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la piété, elle consiste en quoi? Elle consiste à ce que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant. Ce qu'il t'a ordonné, tu l'accomplis. Et également, que tu te soumettes à ses interdits en t'en écartant. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tu t'en écartes. C'est ceci la piété. La piété, c'est que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et que tu te soumettes à ses interdits en t'en écartant. Et entre dans la généralité de la piété le fait de t'acquitter de la zakat en la donnant à ses ayants droit, d'avoir foi au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au verset 156 et 157 de Sourate Al-A'raf. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai pour qui? Écoutez, à ceux qui me craignent, ceux qui font preuve de piété, ceux qui ont la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Acquitte la zakat et ont foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Donc celui qui désire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et se doit de faire preuve de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Et fait partie des causes également pour obtenir la miséricorde d'Allah et qui entre dans la généralité de la piété, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, comme on vient de le voir dans le verset précédent, et de manière générale, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa aqimu s-salah wa atu z-zakah wa ati'u r-rasul la'allakum turhamun. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Ceci est le verset 56 de Surat An-Nur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Obéissez à Allah et au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Ceci est le verset 132 de la sourate Ali Imran. Vous voyez donc à travers ces versets l'erreur de ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils n'accomplissent pas ses ordres, ne délaissent pas ses interdits. D'autres qui espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne prient pas, délaissent la prière. Tu le conseilles, tu lui dis de prier, il te dit « Allah est pardonneur et miséricordieux, il sait qu'il y a du bien dans mon cœur. » A'udhu billah. Si ton cœur était bon, ceci se verrait à travers les œuvres de ton corps. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le cœur est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Mais si le cœur est corrompu, alors c'est tout le corps qui sera corrompu. Donc si tu espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu souhaites l'obtenir, tu dois savoir que la foi et les œuvres de bien, elles sont indispensables pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au verset 218 de Surat al-Baqarah: Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu vois donc dans ce verset que ces croyants ont espéré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir accompli les causes nécessaires leur permettant d'obtenir la miséricorde. Et ces causes sont tout d'abord le fait d'avoir la foi, qui est la base essentielle. Celui qui n'a pas la foi, comment peut-il espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde? Donc le fait d'avoir la foi, de croire en Allah, de lui vouer un culte exclusif, de suivre son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne aussi après cela, la hijra, l'immigration, et la lutte dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la hijra, comme on a dit, est traduite par l'immigration. Donc elle englobe cette émigration qui est le fait de quitter une terre de polythéisme, une terre de mécréance, pour se rendre vers une terre d'islam. Et ceci est une adoration immense, qui est une obligation pour tout musulman vivant en terre de polythéisme, en terre de mécréance, et qui ne peut pas extérioriser sa religion comme il se doit. Et de manière générale, la hijra, elle désigne le délaissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, et le muhajir, celui qui fait la hijra, le muhajir, est celui qui délaisse ce qu'Allah interdit. Et à travers cela, on voit l'erreur de certaines personnes qui, après avoir émigré, après avoir quitté la terre de polythéisme, la terre de mécréance, et s'être installés en terre d'islam, ils ont certes accompli cette adoration immense qui est la hijra. Mais certains après cela pensent avoir atteint le sommet. Il n'y a pas de doute que c'est une erreur. Quelles que soient les adorations que tu accomplis, aussi grandes soient-elles, aussi importantes soient-elles, tu ne dois pas penser que tu es dispensé des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et dispensé du fait de t'écarter de ses interdits. Et tu dois sans cesse te rappeler ce hadith. Le muhajir, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah interdit. Tu dois donc t'écarter de l'ensemble des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie des causes nécessaires pour espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la lutte dans le sentier d'Allah, qui est mentionnée dans le verset, comme vous le savez, elle a différents sens. Et entre dans cela, parmi ces sens, le fait que tu luttes contre ton âme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le mujahid, celui qui lutte sur le sentier d'Allah, est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu la contrains à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grandes formes de djihad. Quoi qu'il en soit, vous voyez dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder ces trois causes, la foi, la hijra, la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ensuite dire « Ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah ». C'est-à-dire qu'ils sont en droit d'espérer la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Car ils ont fait les causes leur permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On compte aussi, parmi les moyens pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu sois miséricordieux, que toi-même tu fasses preuve de miséricorde envers les gens, ou de manière générale envers les créatures, que ce soit envers les hommes, mais aussi envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les miséricordieux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, leur fait miséricorde. À qui? Aux miséricordieux, ceux qui eux-mêmes sont miséricordieux. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, vers les créatures, et celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu souhaites obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois toi-même faire preuve de miséricorde envers les créatures, comme on a dit, envers les êtres humains et aussi envers les animaux. Et d'autant plus, tu dois faire preuve de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux, ainsi que les gens dans le besoin. Et ce, en commençant par tes proches et les gens de ton entourage. Car il y a certaines personnes, mashallah, elles sont généreuses, font preuve de miséricorde, de clémence, envers des gens qui sont à l'autre bout du monde. Mais avec leurs proches et les gens de leur entourage, ils n'ont aucune miséricorde. Il va voir quelqu'un de sa famille ou un de ses proches, un de ses amis, en difficulté, il ne va pas se soucier de lui. Il se peut même, wal'iyadu billah, qu'il se réjouisse de son échec, comme c'est le cas de certains malheureux, wallah al-musta'an. Donc tu te dois d'être miséricordieux envers les créatures de manière générale, et ainsi tu obtiendras la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la rétribution que l'on obtient, elle est en conséquence de nos œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Tu dois donc sans cesse te rappeler cela. Et également, tu te rappelles que de la même manière que tu te comportes avec les gens, on s'en comportera avec toi. C'est important. Car il y a souvent des gens qui attendent beaucoup des autres, mais qui eux, de leur côté, ne donnent pas beaucoup. Et ça, c'est une erreur. Car comme tu te comportes avec les gens se comporteront aussi avec toi. Et tu te dois d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, comme il est venu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les causes de la miséricorde, parmi les moyens te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi le suivi du noble Coran, ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme guide pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre béni, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux, afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc ce livre, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'a pas révélé pour qu'il soit seulement lu, sans aucune méditation, sans suivi de ses commandements et sans mise en pratique de ses enseignements. Comme c'est le cas pour certaines personnes qui, au mieux, lisent les versets du Coran sans chercher à comprendre leur sens, ni même à les mettre en pratique, ou pire encore, ceux qui ont fait du Coran un objet de décoration de leur maison, Allah al-Musta'an. Donc l'objectif est que tu mettes en pratique ce livre, que tu te soumettes à ses commandements, que tu mettes en pratique l'ensemble de ses enseignements. Comme on a vu dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a été interrogée au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle répondit « Ne lis-tu pas le Coran ?» Son comportement était le Coran. Et on a déjà expliqué ce hadith. On a vu que il signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un ordre dans le Coran sans qu'il ne le mette en pratique. Il n'y avait pas un interdit sans qu'il s'en écarte, et ainsi de suite. Donc c'est ainsi que doit être le croyant qui souhaite obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les moyens te permettant d'obtenir la miséricorde, il y a également le fait que tu écoutes attentivement le Coran et d'observer le silence lorsque le Coran est récité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, écoutez-le attentivement et observez le silence. Pourquoi? Afin que vous obteniez la miséricorde. C'est donc une adoration d'écouter le Coran. Il fait partie de la sunna, les sunna qui sont délaissées chez beaucoup de gens, le fait qu'une personne récite le Coran et que les autres s'assoient et l'écoutent. Et lorsque tu écoutes une personne réciter le Coran, tu obtiens la même récompense que cette personne qui lit. Donc ceci n'est pas une œuvre à négliger. Et parmi les moyens te permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'invoquer Allah, en l'invoquant pour obtenir cette miséricorde, notamment en l'invoquant par ses noms, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou autres parmi ses noms qui sont les plus beaux, comme en disant Ya Rahim, Irhamni, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ses noms. C'est le verset 180 de Sourate Al-A'raf. Donc lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de la chose que tu demandes, tu l'invoqueras par un de ces noms qui est approprié à ta demande. Par exemple, si tu veux lui demander la subsistance, tu vas l'invoquer par son nom Ar-Razzaq, dans le sens rapproché, grand pourvoyeur. Si tu veux le pardon, tu vas l'invoquer par ses noms qui indiquent qu'il fait partie de ses attributs le pardon et la miséricorde. Ir-Ghaffar, Ighfirli, tu lui demandes d'accepter ton repentir, Yat-Tawwab, Toub alayhi. Et ainsi de suite. Tu utilises le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui correspond à la demande que tu lui adresses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné l'invocation et il t'a promis de t'y répondre. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Tu multiplies donc l'invocation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire miséricorde. Comme il nous a ordonné dans son noble livre, au verset 118 de Sourate al-Mu'minun. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Et dis, ô mon Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne donc de l'invoquer comme on l'a vu. Et parmi les meilleures invocations, qui font partie des moyens pour obtenir la miséricorde, le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu t'humilies devant Allah en reconnaissant tes erreurs, en reconnaissant tes péchés, en te repentant de cela et en implorant son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si seulement vous demandiez pardon à Allah, ainsi il vous serait fait miséricorde. C'est le verset 46 de Sourate An-Naml. On voit donc à travers cela l'importance de multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir sa miséricorde. Enfin, pour terminer, j'aimerais me rappeler, ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, au verset 49 et 50 de Sourate Al-Hijr, Nabbi ibadi. أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Informe mes serviteurs de deux choses. Que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, il fait miséricorde à ceux qui font le bien. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Ceux qui font le mal, ils sont sous la menace de ce châtiment douloureux. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, parmi les musulmans, à cause de leur ignorance, ont tendance à se reposer sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Et cela les a conduits à la négligence des ordres d'Allah et à transgresser ses interdits. C'est comme s'ils avaient oublié que de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux, il est aussi, en parallèle de cela, dur en châtiment. Son châtiment est douloureux. Il est donc important de savoir que si tu espères la miséricorde, ou de manière générale, quelle que soit la chose que tu espères, ton espoir doit nécessairement être accompagné de trois choses. La première est que tu aimes cette chose que tu espères. La deuxième est que tu aies peur que cette chose t'échappe. Et la troisième est que tu fasses les causes et des efforts autant que possible afin d'obtenir cette chose. Quant au fait d'espérer une chose, tu espères une chose mais tu ne fais pas les causes pour l'obtenir. Alors ceci en réalité est une aspiration illusoire, une aspiration mensongère. Et en ce qui concerne la miséricorde, le fait de l'espérer sans faire les causes pour l'obtenir, cela s'oppose à la bonne opinion que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car la bonne opinion que tu dois avoir envers Allah, c'est qu'il rétribue en bien ceux qui font le bien. Quant à ceux qui œuvrent dans le mal, qui n'accomplissent pas ses ordres et qui transgressent ses interdits, alors ceux-là, ils sont sous la menace du châtiment. Et si tu souhaites être sauvé, alors tu dois savoir que tu ne pourras être sauvé qu'en accomplissant les causes pour cela. Comme on l'a vu dans le verset. Inna alladhina amanu. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Tu vois donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder leur espoir par trois choses. La foi, qui est la base essentielle, comme on a dit, puis des œuvres immenses qui sont la hijra, l'émigration et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin » La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Comme on a dit, les bienfaisants dans l'adoration d'Allah et les bienfaisants envers les créatures d'Allah. Donc tu vois qu'il est nécessaire d'être bienfaisant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « La miséricorde d'Allah est proche des désobéissants, est proche des pécheurs, est proche des pervers ou proche des mécréants et des athées. » Mais elle est proche de qui? Elle est proche des bienfaisants. Ceux qui font preuve de bienfaisance dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui sont bienfaisants envers les serviteurs d'Allah. Donc l'adorateur, il ne doit en aucun cas se reposer sur la miséricorde. Mais tu dois sans cesse être entre la peur et l'espoir. La peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'espoir d'obtenir sa miséricorde. Et pour obtenir sa miséricorde, il t'incombe de faire les causes qui te permettront de l'obtenir. Et parmi les plus grandes causes, celles que l'on a mentionnées, dans cette assise. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à accomplir les causes nous permettant d'obtenir sa miséricorde et je lui demande, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder son pardon et sa miséricorde, il répond certes aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.